sait rien, qu'une pas pensée du tout. Rien c'est déjà beaucoup. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse ou en streaming où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 11 octobre 2018, il est 18h02. C'est Thomas qui était à la réalisation technique de l'émission ce soir. Merci Thomas, on est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux plus rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Tous les ans, l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées organise la Semaine de l'étudiant, manifestation régionale dédiée à l'accueil et à l'intégration des étudiants. Au total, ce sont près d'une centaine d'événements gratuits dans les 11 villes universitaires de l'Académie de Toulouse, dans les domaines les plus fédérateurs de la vie étudiante, les arts et la culture scientifique, mais aussi le sport ou la vie associative, la fête aussi, on peut dire. Cette année, la Semaine de l'étudiant a lieu du 14 au 27 octobre. C'est le rendez-vous de rentrée vitrine de la créativité étudiante. Et c'est dans ce cadre que l'association L'Agité, elle aussi, fait sa rentrée et vous propose deux soirées avec le premier hors-série du printemps étudiant. Le printemps étudiant hors-série 1, c'est ça. L'association L'Agité fait sa rentrée dans le cadre de la Semaine de l'étudiant et en collaboration avec l'Université de Toulouse et propose une première édition hors-série de son festival Le Printemps étudiant. Deux événements sont prévus. Le 17 octobre sur les allées Julienne, une soirée rock et électro avec les concerts de Cordialement, de Seventeen, Ashbex et Wissitige. En plus de la programmation musicale 100% étudiante, le Quai des Savoirs ouvrira exceptionnellement ses portes pour une exposition autour du design en sciences et le collectif de danse en construction présentera sa nouvelle performance scénique. L'entrée est gratuite pour tous. La soirée du 20 octobre à la salle du Cap viendra quant à elle clôturer en beauté la semaine de l'étudiant. Au programme, Ed Solo et Decline, Tambour Battant et Ninxie pour une Selecta Jungle et Drum and Bass. L'entrée est à 5€ et gratuite pour les étudiants. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux et sur le site www.leprintempsetudiant.com. Merci Campus FM pour ce montage sonore. Alors pour parler de ce hors-série ce soir dans Rien à voir quoique, nous recevons dans l'ordre Loris Consolo et Damien Abtel de l'association L'Agité. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Puis Sarah Lugassi et Tom Segovia qui ne m'entendent pas, à qui je dis bonjour, qui n'ont ni micro ni casque. Et puis du groupe Cordialement et Maya Cruz qui a un casque. Qui peut nous dire bonjour au micro. Bonsoir. Du groupe Ninxie, Louise Consolo et Damien Abtel, merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus. Alors l'association L'AJT organise avant tout le festival Le Printemps de l'étudiant, qui a lieu au printemps depuis 2014, qui a pour mission de rendre accessible la culture aux étudiants et de fédérer tous les acteurs de la culture. Et dans le cadre de la semaine de l'étudiant, qui a lieu à la rentrée, on vient de l'entendre, vous proposez le premier hors-série du printemps de l'étudiant en octobre. Alors on s'embrouille un peu les pinceaux, le printemps en octobre. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'était, on avait envie de faire un truc en plus que le festival qu'on fait au printemps, parce qu'à la rentrée, c'est toujours bien d'avoir... un événement comme celui-ci, que ce soit pour les bénévoles qui sont dans l'asso, pour voir concrètement ce que ça peut donner, et puis pour nous motiver aussi pour la suite, puis vu qu'on aime ça, pourquoi pas. Est-ce que c'est un format qu'on va retrouver dans l'année, le hors-série? Alors cette année, non, ce sera le seul à la rentrée. Pour les années suivantes, je pense qu'on recommencera cette initiative-là, mais peut-être plus ou pas, mais je ne peux pas vous dire pour l'instant. Je pense qu'on restera plutôt sur un en début d'année, parce que c'est déjà beaucoup de travail de faire tout ça, donc je pense qu'on ne pourra pas vraiment faire plus. Mais... Et c'est la première fois que vous organisez un événement dans le cadre de la semaine de l'étudiant, à la rentrée? C'est la première fois qu'on fait un événement dans le cadre de la semaine de l'étudiant à la rentrée, mais l'année passée, en fait, on avait déjà fait un événement à la rentrée, en septembre-octobre aussi, mais c'était dans le cadre des 20 ans de la salle du Cap. Et c'est ça aussi qui nous a donné envie, vu qu'on avait déjà fait cette expérience une fois, de recommencer. Alors, la première soirée que vous proposez, on l'a entendu dans la capsule sonore, ça s'appelle les talents étudiants. Et c'est vous d'ailleurs qui vous occupez plutôt de cette partie-là, Damien? C'est ça, en fait, donc le 17 octobre, on aura des artistes étudiants qui vont se produire sur les allées Jules Guez. Vers Palais de Justice, donc. Donc cordialement, que nous allons écouter. Donc cordialement, ouais. Donc cordialement qu'on va écouter tout à l'heure. Et donc en tout, il y aura quatre groupes. Donc cordialement, The Seventeen, Aschenbeck et Wizit. Aschenbeck, c'est du punk fleuri. Moi, je ne connais ça. Pas moi. Punk fleuri, ça va être une découverte pour pas mal de gens, je pense, même pour nous. On vous avoue que on ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais voilà, je pense que ça va vraiment être pas mal. Et après, autour de ça, évidemment, voilà, toujours de quoi se rafraîchir, de quoi manger. Et voilà, ça c'est pour le 17. Et entre les deux groupes aussi, on aura le plaisir d'accueillir le collectif En Construction, qui est un peu l'ancien All Elements, pour ceux qui connaissent, ils nous ont accompagnés sur déjà pas mal de projets. Donc là, voilà, on aura le plaisir de les retrouver entre deux groupes. Ce sera au milieu du concert. Ils se mettront devant la scène et voilà, ils nous feront une petite performance d'une trentaine de minutes environ. Performance de ? De danse, pardon. D'accord. Voilà. Et les groupes là que vous avez cités sont des groupes récents ici, qui sont tous étudiants, c'est le concept. C'est ça. Ouais, nous, c'est vraiment notre fer de lance dans l'association La JT. C'est toujours des festivals en direction des étudiants et fait au maximum par des étudiants. Donc on voulait retrouver ça même voilà, dans ce projet-là. Et on va aussi faire une scène professionnelle, on en parlera après le 20, mais on voulait au moins faire une scène étudiante pour le 17. Comment vous les avez-vous connus, ces groupes, cordialement par exemple? Cordialement, on les avait eus déjà lors du précédent printemps étudiant. Et sinon, pour les autres, on est en lien avec le CROUS, qui fait pas mal d'événements aussi. Puis après, on fait des appels à projets sur les facs. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a pas mal de gens, ouais, qui répondent à ces appels. Et voilà, après, on fait plus ou moins un tri, mais en général, c'est toujours quand même des groupes de talents. Voilà, pour cet événement-là, pour préciser, du coup, donc nous, on avait déjà certains contacts qu'on voulait prendre pour cet événement. Après, voilà, et comme il a dit Damien, il y a un appel à projet que l'on fait. Et là, vu qu'on est en partenariat, du coup, avec l'Université de Toulouse, il y avait aussi une partie de l'appel à projet qui venait de chez eux. Et donc, le but, c'était de mélanger ça sur cette soirée. Voilà. Est-ce que vous êtes étudiant, messieurs? Oui, moi, oui. Damien? Je suis en anthropologie à l'Université Jean Jaurès, deuxième année. Oui, je suis effectivement aussi étudiant et je suis en master d'instrumentation à Paul Sabatier. C'est-à-dire ? Alors, c'est ingénierie du diagnostic, de l'instrumentation et de la mesure, donc c'est de la physique technique. C'est, voilà. Et en quoi ça vous sert dans la JT ou pas d'ailleurs, ou l'inverse ? Je pense que ça ne sert pas vraiment dans la JT, peut-être un peu au niveau technique, mais pas vraiment en fait. C'est plutôt l'inverse, je dirais. Je pense que les compétences que j'ai acquises avec la JT me sont plutôt utiles. Plutôt dans ce sens-là, quoi. Damien ? Ouais, je pense que de toute façon, une association comme ça, c'est formateur un peu pour tout le monde, quelle que soit la branche, c'est quelque chose qui ouvre vraiment, et voilà, enfin, ouais, c'est très formateur pour toute personne qui veut connaître un petit peu le milieu associatif. Comment vous vous organisez dans l'association pour organiser un événement comme ça ? Les tâches sont... C'est, chacun fait tout Alors à la JT, en fait, on s'organise par pôle, c'est-à-dire qu'on a différents pôles pour gérer le festival. On a trois pôles principaux. On a le pôle talent étudiant, donc qui est le pôle un peu principal de l'association, qui va gérer tout ce qui se passe avec les artistes étudiants. Qu'on retrouve aussi dans le printemps étudiant. Oui, les oui. talents étudiants. Oui, alors là, pour le printemps hors série, c'est un peu différent parce que du coup, il y avait... pas mal de personnes qui n'étaient plus forcément avec les vacances, tout ça, qui n'étaient plus forcément dans la JT, et puis les nouveaux qui arrivent en septembre. Donc là, pour le coup, c'est un peu tout le monde qui s'est mis sur la gestion, vu que c'est un plus petit format, il n'y avait pas forcément besoin de faire des pôles très distinctifs, donc c'est un peu tout le monde qui s'est proposé pour gérer cet événement-là. Et après, voilà, pour le festival, par contre, on travaille par donc le pôle talent. Le pôle talent, qui s'occupe des journées et des soirées qui sont en rapport avec les étudiants. Et après, il y a un pôle programmation qui s'occupe des soirées concerts et un pôle communication qui va gérer toute la communication autour du festival et des événements, quoi. Damien, vous me disiez qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient arrivés là, à la rentrée, notamment des graphistes, des architectes. On a une très très bonne équipe cette année. Là. Il y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font du graphisme, donc une équipe très motivée. Après, on est toujours en recherche de bénévoles. Si des gens sont intéressés par l'associatif, pour voir un petit peu comment ça se passe, on les invite à nous rejoindre pour essayer. On est tous une bande d'étudiants, on s'entend plutôt bien, il y a quand même une bonne ambiance, puis après c'est vraiment sur son temps libre, hein, il n'y a pas d'obligation, et voilà, c'est vraiment une première approche de l'associatif, et c'est très sympa. Vous êtes combien, tous ceux qui veulent. Là, pour l'instant, on doit être une dizaine, une quinzaine. On est un peu plus de 20, on est 22, 23, un truc. Ah d'accord, ça, un peu plus. Ouais. Mais vu les projets qu'on envisage déjà pour l'année prochaine, ça nous fera pas de mal d'être une bonne équipe. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire toujours un petit peu plus gros. Donc plus on est, mieux c'est, quoi. Alors la deuxième soirée, le 20, donc c'est plutôt jungle, je dirais. C'est ça, c'est plutôt drum and bass jungle. Donc pour le 20, donc ce sera la salle du Cap à Paul Sabatier. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle Cap de Fin. Exactement, petit jeu de mots, Cap de Fin. Oui, à la salle du Cap Paul Sabatier. Donc on aura, c'est des artistes professionnels cette fois. Donc on aura Ed Solo et Decline. On aura Tambour battant. Pardon. Il paraît que Tambour battant sur scène, ils sont assez. Tambour battant, c'est assez énervé. Ouais. c'est drum and bass. Alors Tambour battant, en fait, c'est un duo français qui est vraiment très diversifié dans ce qu'ils font en musique. Ils ont beaucoup de drum and bass, de l'électro, de la raga, du dancehall même. Donc c'est vraiment un mélange et c'est vraiment une performance live, en fait. Très impressionnante, puisqu'il travaille avec des pads et des batteries électroniques, etc. Et du coup, c'est vraiment une sacrée performance à voir et ça envoie bien. Vous êtes musicien vous-même, Damien, Loris ? Absolument pas, moi. Alors moi, j'ai fait un peu de guitare, il fut un temps, et puis après j'ai fait un peu de piano, mais en ce moment, je ne peux plus parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. Mais j'essaye toujours, je suis toujours intéressé par ça, je fais un peu de MAO, enfin, je reste un peu là-dessus, mais c'est vraiment... personnel, c'est pas... Et puis, vous êtes associé aussi à une exposition qui est au Quai des Savoirs, le mois du design, là, on peut le voir jusqu'au 10 novembre, et donc il sera ouvert le 17 octobre, accessible aux gens qui viennent gratuitement. Oui, alors pour la soirée du 17 octobre, on a pu obtenir exceptionnellement l'ouverture du Quai des Savoirs pour... le mois du design, donc tous les gens qui seront présents pourront accéder. Parce que la scène sera installée en face, sur les allées. Voilà, la scène sera en extérieur, sur les allées Jules Guesse, du coup. 17 octobre, ça va ? Il fait beau ? On espère. On espère, on verra. Bon, ça, c'est toujours le souci, on ne peut pas vraiment prédire s'il fera beau, mais pour l'instant, on a toujours eu de la chance. Ouais. Donc on va continuer à croiser les doigts et je pense que normalement, ça devrait aller. Effectivement, cette exposition qui sera ouverte exceptionnellement toute la soirée. Ça va être super intéressant à voir. Merci Loris, merci Damien. On se retrouve après un morceau du groupe. Damien, vous voulez dire quelque chose ? Non, c'est bon. Ouais. Pardon. Du groupe Cordialement. When you see me, I'm all nerves. Don't tell me nothing, don't ask me why. Try to catch me, try to find me, try. I'm just a ghost in this crazy world. The sun goes down, nothing else that you and I. Don't let me now, don't let me withstand. Listen to me, listen to you. Just look at me and tell me it's not real. Take my hand and take me far away. Don't miss me now. Dancing in hell, dancing in hell, yeah. Don't miss me now. Dancing in hell. Don't miss me now. Dancing in hell, dancing in hell, yeah. know nothing. Don't ask me why. Try to catch me, try to find me, try. I'm not like you, I'm not like us. I feel oppressed in this human form. Don't let me now, don't let me withdraw. C'est un son mineur. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Sol la fa, sol la mi, sol fa, mi fa, do fa. I'm sorry mademoiselle, mais je suis amoureux. Vous avez de la chance. Je fais ce que je peux. Ça valait le coup quand même. De rien à voir quoique, on vient d'écouter en direct donc Head in the Hell par le groupe Cordialement, qui est avec nous en studio. Alors Cordialement, avec un point, c'est, je cite, une batterie inspirée des maîtres de la soul et du hip-hop, des lignes de basse qui font groover, une guitare percutante aux essences rock 70s, le tout gravitant autour d'une voix majestueusement ardente au mélange de blues mélancolique de Janis Joplin et de la puissance vocale d'Etta James. Qui a écrit ce texte magnifique? En fait, on a écrit tous des morceaux, je crois. Écrit. Ça devait être autour, peut-être, je sais pas, d'un café, et on s'est dit, il nous fallait une biographie. Elle est très bien. Donc, Cordialement, avec un point, c'est Sarah Lugassi au chant, Carl Socaso à la guitare, Tom Segovia à la batterie et Pierre Cabirol à la basse. Et ce soir, c'est Sarah et Tom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus. Le groupe à quel âge ? Ben, on vient de fêter nous un an. Oh, happy birthday. Assez récent donc. Et oui, c'est récent. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre ? Par le biais de la fac et du conservatoire. Et c'est vrai qu'à Toulouse... Enfin, les musiciens, on se connaît un peu tous, donc par les goûts et les couleurs. Vous étiez tous les deux au conservatoire, ou voire tous les quatre ? Non, on a été tous les deux, moi et Sarah, au conservatoire. Et Carl et Pierre, en fait, du coup, c'est moi qui les avais connus, du coup, dans le cadre de la fac. Et du coup, j'avais connu, du coup, Sarah, du coup, par le biais du conservatoire. Donc, conservatoire, formation classique ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, musique actuelle. Comment ça marche ? Musique actuelle, on a des groupes en fait, on est notés, on arrive tous d'environ différents, donc on a un cours où on a guitare, basse, batterie, plusieurs chanteurs, plusieurs chanteuses, ou qu'une chanteuse, qu'un chanteur, et on doit composer tout le long de l'année avec ça. Et on est, à la fin de l'année, on a un examen en bikini devant un jury qu'on ne connaît pas, et à partir de nos morceaux qu'on a composés tout le long de l'année, on passe ou on passe pas. Et vous êtes passé ? Oui, on n'a pas encore fini l'année, mais pour l'instant, on est passé. Alors, Opus, le magazine musical toulousain, dit de vous, je cite encore, Cordialement, c'est du groove à l'état pur, le groupe s'installe avec un style qui leur est propre, on vacille entre tempo lent, puis accéléré sans inquiétude, la profonde et ardente voix de Sarah nous rassure et nous emporte. Est-ce que ça vous correspond ? Ça, alors là, pour le coup, je ne peux pas forcément dire pour les autres, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire ressentir le plus possible. Une identité propre à chacun, quand même. Qu'on puisse mettre un mot sur chaque instrument et chaque personnalité. Alors, quels seraient les mots que vous mettriez sur chaque instrument ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Votre instrument? Moi, sur la batterie. Moi, j'écoute vachement de hip-hop en ce moment. Du coup, beaucoup de musique afro-américaine. Donc, j'ai découvert la soul assez tôt. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment emporté dès le début. Donc, du coup, j'essaie à la fois de mêler du coup une musique un peu plus actuelle. Donc, du coup, il commence à y avoir vraiment une scène néo-soul dans le monde, notamment en Angleterre, qui commence à bien émerger. Et donc, du coup, moi, j'essaye le plus possible de faire un peu un mix entre un groove néo-soul assez actuel, mais garder quand même toujours une essence un peu 70s. Pardon. Sarah, vous avez une particularité, vous, en tant que chanteuse, au sein du groupe? C'est vrai que... À part votre voix ardente. Je dirais que c'est vrai que c'est la soul, en fait. Je m'étais jamais rendu compte, quand j'étais jeune, que j'écoutais que tous les artistes que j'aimais, en fait, ils avaient une âme extrêmement profonde, et c'est ce qui me touchait le plus quand je les entendais. Et je me suis dit, en fait, je veux faire ressentir ce qu'ils m'ont fait ressentir. Et en fait, la soul, c'est ce qui m'a le plus parlé, le plus touché. Et voilà, c'est vrai que... Après, il y a le côté rock aussi de ce qu'on fait. C'est un peu notre côté... C'est notre côté enfance, on a tous écouté du rock. C'est notre côté enfance, où il y a un peu rebelle aussi. Un peu rebelle, de ce côté soul. Alors, qui écrit les textes? C'est la mélodie, la sonorité des mots, en anglais, qui vous intéresse, ou leur sens? Parce que, par exemple, « Head in the Hell », ça veut dire « la tête dans l'enfer ». C'est vrai qu'en français, ça sonne pas super bien. C'est vrai que c'est moi qui écris les textes. Et après, vous voulez savoir pourquoi Head in the Hell? Par exemple. Par exemple. Ça, c'est, par contre, c'est un morceau qu'on a écrit tous ensemble. Moi, j'ai écrit les textes, mais la mélodie, c'est le premier morceau qu'on a écrit tous ensemble. Et La tête en enfer, parce que ça a été une période de ma vie qui a été très difficile. Et du coup, cette chanson, c'était un peu pour sortir la tête de l'eau. Voilà. Et vous chantez en anglais? Oui, on chante en anglais, alors qu'on a un nom français. Et c'est aussi ce qui fait notre différence par rapport aux autres groupes. Mais on chante en anglais parce que moi, je préfère la mélodie des mots en anglais, en fait. C'est vrai qu'en français, c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est plus compliqué de faire ressortir de jolies mélodies en français. Après, il y en a qui font très bien, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas, en tout cas. Alors, vous disiez que Head in the Hell, vous l'avez écrit ensemble. Comment on fait pour écrire un morceau à 8 mains? Généralement, on s'assoit tous à peu près en tailleur dans la pièce. Ça finit toujours comme ça, un peu, quand on compose les morceaux tous ensemble. Ben, ça part toujours d'une jam, en fait. Donc, quand on commence un peu à s'échauffer, ben, on fait tourner un petit riff, un truc comme ça, et puis... Au fur et à mesure, en fait, qu'on joue, on se dit, d'un moment, on s'arrête et puis on se dit, c'est sympa, en fait, ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Et donc, du coup, ben, en fait, on commence pas forcément à écrire sur le moment. On essaye de faire un peu tourner la chose qu'on trouve sympa et essayer de monter après un peu comme un petit puzzle, en fait. Chacun va essayer de rapporter son petit truc en plus et puis on dit... Et puis, il suffit qu'il y en ait un qui ait une idée pour dire à toi, franchement, à la guitare, tu pourrais faire une mélodie qui ressemblerait à ça. Et voilà, donc en fait, ça part un peu d'une boucle qu'on essaie de faire tourner. Et puis, petit à petit, ça s'enrichit. Et puis, pendant ce temps-là, il y a Sarah qui est toujours dans son coin avec son calepin et qui note des petits trucs. Et puis, une fois qu'elle trouve qu'elle a un texte qui lui parle, du coup, on essaie de... On base un peu toutes nos petites pièces du puzzle, en fait, et on se tourne autour quand même de la voix. Et... Vous avez enregistré un EP, celui-ci, qu'on vient d'entendre, et vous avez d'autres titres. Un morceau, pardon. Alors oui, du coup, la semaine prochaine, on a un nouveau titre qui sort. Donc, dans un autre studio, avec une autre personne qui nous a enregistré. Et c'est un nouveau travail. On garde quand même toujours ce même cap. Donc du coup, dans le rock soul, on n'a pas trop dévié. On grandit, on mûrit, on a des idées qui nous arrivent, même des idées de production qui nous viennent plus en tête. Donc là, du coup, ça ressort. Et du coup, on sort un nouveau morceau la semaine prochaine. C'est difficile d'enregistrer en studio. Ça doit être parfait. Vous recommencez, ça, vous passez des heures. Ah, moi, j'adore. Ouais. C'est quelque chose, moi j'adore, mais en effet, faut recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait et on y reste. On était restés 4 ou 5 heures sur une phrase, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'adore. on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est limite encore plus physique qu'un concert, presque. Mm. On a le cerveau en ébullition, ouais, en permanence. Si tant qu'on est... Et tant qu'on sait qu'on n'a pas la prise qui nous correspond, ben on est prêt à la refaire tant qu'il faut. Alors pour la soirée l'agité, vous allez jouer combien de morceaux? On en a 10. Ah oui. Ouais. on peut les trouver sur internet. Alors pour l'instant, il y a Ed in the L qui est sorti. Ouais. On va en sortir la semaine prochaine. Et les autres morceaux. Et les autres morceaux, ils arrivent bientôt. Donc il faut aller au concert. Comment vous avez rencontré l'agité ou l'agité, Loris? Comment vous avez rencontré cordialement? Petit échange de micro. Bah, du coup, nous, c'était par rapport à un appel à projet qu'on avait fait. Et donc, on avait fait un autre appel à projet, puis ils nous avaient contactés. Et donc, après, bah, on avait écouté tout ça. Et puis, ça nous avait vachement plu. Et pour le printemps étudiant 21, donc celui qui s'est passé en 2018, on avait fait passer cordialement à l'Université Capitole. Voilà. Cordialement, c'est assez génial comme nom de groupe, avec un point. Il nous fallait un nom clair, concis. Oui, il y a un point, Vincent. Voilà. Mais merci de le dire, parce que c'est vrai qu'il y en a qui... Alors, à l'oral, peut-être on ne dit pas cordialement avec un point, mais j'ai remarqué qu'il y avait un point. Je pense que ce point a son importance. Alors, ben, du coup, généralement, il y a déjà un effet stylistique, en fait, au niveau de l'écriture. Donc, on veut garder quand même un peu cet esprit d'écriture un peu manuscrite, comme on fait la musique... avec quand même aussi des instruments qui restent quand même analogiques, donc garder une trace, la trace la plus humaine. Et pourquoi le point? Déjà, cordialement, c'est quelque chose qu'on utilise à la fin des lettres, par exemple, à un patron, à quelqu'un un peu haut placé. Et même des SMS. Phrase, Oui, même les SMS. Ouais. Ouais. Et on met toujours un point après, cordialement. Je vais penser à vous à chaque fois. Et non, en fait, le mot cordialement, un peu, il y a un peu une bivalence dans le mot pour nous. C'est le côté très, très formel de ce mot un peu particulier qu'on utilise, mais est-ce qu'on le pense réellement des fois quand on dit cordialement? Est-ce qu'on est vraiment cordial? Est-ce qu'on est réellement cordial? Est-ce qu'on est vraiment cordial? Point. Merci Sarah Lugassi, merci Tom Segovia du groupe Cordialement, avec un point. On se retrouve après un morceau du groupe Ninxi, le morceau s'appelle Deep Inside. Dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside, dip, dip, dip inside, dip, dip down inside. Dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside, dip down inside, dip, dip inside. Dip down inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, dip, dip inside, d On vient d'écouter Deep Inside par le groupe Ninxi qui est avec nous également en studio. Et rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Ninxi, c'est Maya Cross au clavier, au synthétiseur, Louis-Nicolas Gubert à la basse électrique et aux effets, et Rémi Gouffaut à la batterie. Et c'est Maya, bonsoir Maya, qui bonsoir. Représente le groupe Ninxi ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios. Alors, le taquin dit de vous, je cite, « Ninxi est un exercice de style qui navigue dans les courants tumultueux des musiques électroniques, né d'une envie d'explorer des univers sonores nouveaux et a priori inaccessibles à de simples instrumentistes. Le trio toulousain s'approprie les codes de la EDM et plus particulièrement de la drum and bass pour alimenter leur esthétique mouvante. » Alors EDM, c'est l'acronyme de Electronic Dance Music, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire, ça regroupe l'ensemble des musiques électroniques destinées à la danse. Donc techno, house, drum and bass, enfin, beaucoup de styles. Et tout ça, c'est regroupé sous le nom de EDM. Alors, pourquoi vous pensez que le taquin dit, a priori, inaccessible à de simples instruments? Alors, c'est pas le taquin qui le dit, c'est nous. Ah, ils ont pas dit. Non, enfin, c'est la description qu'on envoie à tout le monde. En fait, c'est pour ça qu'elle est partout. Mais pourquoi on dit ça? Parce que, en général, par exemple, la drum and bass ou même la techno ou la house, c'est vraiment basé sur un riff répétitif qui ne bouge pas. Et les sets des DJ sont des sets de 50 minutes de musique non-stop. Tandis qu'en général, les concerts de groupes de musique, c'est des morceaux. On applaudit au milieu, on reprend l'autre morceau et c'est pas forcément le même tempo, c'est pas enchaîné quoi. Et Ninxi, ça vient d'où? Parce que autant cordialement, je comprends. Ninxi, ça vient de pas grand chose. On a décidé ça en 5 minutes, top chrono. Et c'est le batteur qui dit oh, moi en ce moment, j'ai écrit un morceau, j'ai envie de l'appeler Ninxi. On se dit oh, bah, c'est cool. Et voilà. Et on s'est pas pris la tête plus que ça. Comment vous vous êtes rencontrés, vous, tous les trois? Alors, pareil que cordialement, à la fac. À la fac de musicologie jazz. Vous avez tous fait cette même formation? Ouais, donc on était dans la même promo et puis ça a de suite accroché. Après Rémi a quitté la fac, mais on jouait quand même ensemble assez souvent. C'est musicologie jazz, oui. Donc c'est vraiment spécifiquement sur le jazz, oui. Comment ça marche? C'est ça, c'est y a un cursus de musicologie donc à la fac Jean Jaurès et séparé en trois formations, je crois, maintenant. Donc, il y a la musicologie classique, la musicologie orientée jazz, et ensuite, il y a un troisième cursus qui est beaucoup plus général sur la musique et les autres arts. Et donc, c'est vraiment jazz, jazz, jazz? Oui, il y a quelques cours quand même de musique, de théorie classique aussi, ou d'histoire de la musique classique aussi, dans le cursus. Et qu'est-ce qu'on retrouve de jazz dans Ninxi? Pas grand-chose. Mais c'est rigolo parce qu'on s'est tous rencontrés en faisant du jazz à la base et voilà. Alors on vient de l'entendre, dans Deep Inside, vous avez invité Natasha Kanga, oui. En featuring. On peut d'ailleurs voir écouter une vidéo sur YouTube qui est assez chouette. Je vais citer Vincent Barcelot pour la prise de son et Clément Sanchez et Tristan Moraton pour la captation et le montage. Pourquoi ce choix de Natasha Kanga? Parce que c'est une super amie à nous. Et parce qu'on avait vraiment envie de retrouver son thème de son timbre de voix qui est vachement assez charnel et chaud, alors que des fois dans les musiques électroniques c'est souvent des voix très pas froides mais beaucoup moins chaudes, on va dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourra venir dans un concert peut-être bien sa voix? Peut-être bien, on l'a pas encore fait de l'inviter sur un concert. Si vous êtes Deep Inside, vous pouvez pas le jouer en concert ou vous le jouez sans la voix? On l'a joué sans la voix, maintenant on le joue plus. Ouais. Alors le taquin, bon, il n'a pas écrit ce texte, mais vous avez fait un concert au taquin, oui. Au mois de mai, ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé, c'était un projet assez gros qu'on a fait. On a rendu hommage à un DJ qui s'appelle Fotek, qui est une des figures de proue de la drum and bass anglaise. Et donc on a repris pas mal de ses morceaux, et tout ça construit dans un set justement d'une quarantaine de minutes qui s'enchaînait sans arrêt. Donc c'était un gros projet, et puis ça nous tenait à cœur quand même, parce qu'on a beaucoup écouté On a beaucoup écouté de Fautech. Alors, et vous avez sorti un EP, donc ça s'appelle The Remix Sessions, donc il n'y a que des remixes. C'est ça. On a pris quatre morceaux qu'on aimait beaucoup et qu'on jouait en concert, et on a dit, ben, on va les enregistrer sous la forme dont on les joue nous, c'est-à-dire assez différent des originaux. Donc voilà, c'était... C'est quoi comme morceau ? Du coup, il y a Deep Inside qui est de base, c'est un morceau très très connu des musiques électroniques. Ensuite, on a pris un morceau de Marc Guliana, qui est un batteur plutôt orienté jazz, mais qui avait un projet qui s'appelle Ernst, ou en trio, et qui faisait un peu qui en prenait pas mal de codes justement en musique électronique. Donc on a repris un de leurs morceaux. Et ensuite, on a pris un morceau de Fautech aussi, donc voilà, qu'on a aussi joué au taquin. Et le dernier morceau, c'était un morceau de Kenny Larkin, qui est une figure de la techno plutôt de Détroit. Et voilà, il s'appelle Azimut. Alors, ça s'écrit des remixes ? Des remixes qu'on remixe ? C'est-à-dire, ça s'écrit. Mais quand vous jouez, est-ce que vous savez ce que vous allez jouer ? Oui. Ou c'est l'expérience qui fait ? Oui, sur cela, on les avait vraiment travaillés. On savait vraiment ce qu'on allait faire de A à Z. Ouais, c'était assez écrit, en fait. Et alors, donc, vous jouez le 20. Oui. Loris, comment vous avez rencontré Nixie ? Alors, nous, en fait, pour la soirée du 20, en fait, ce qu'on aime bien faire sur nos soirées concerts, c'est d'avoir des groupes professionnels de la scène nationale ou internationale, et aussi... Nixie, vous êtes un groupe professionnel ? Alors non, en fait, Nixie, c'est un groupe étudiant. Ce que je disais, c'est qu'on aime bien avoir un groupe étudiant ou un groupe local... aussi sur nos concerts pour promouvoir ce qu'ils font. Et donc là, pour cette soirée, on cherchait un groupe comme ça, et c'est une personne de l'asso qui a contacté Nixie. Voilà. Alors, dans le cadre de ce hors-série, donc vous jouez pour le Cap de Fin, il y aura des nouveaux morceaux ? Est-ce que vous avez une préparation particulière ? Oui, depuis quelques mois, on a un nouveau set, on va dire, où on joue justement des gros sets à la manière de DJ de 40-50 minutes non-stop. Et c'est en grande partie de l'improvisation sur le moment, et avec quand même quelques points de repère et quelques morceaux qui sont prévus à certains endroits. Voilà. Vous avez d'autres projets prochains, des dates de concerts ? On me dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de salles à Toulouse pour jouer. Ouais, enfin ça dépend quel style de musique. Ouais. Quoi. Nous, on joue pas mal en ce moment, on va dire. On a un concert samedi d'ailleurs à la Saint-Dynamo. Voilà. Et comme autre projet, on va enregistrer à la fin du mois un nouvel EP, du coup, voilà, on est en pleine préparation, c'est pour ça qu'ils sont pas là, ils sont en train de travailler, les deux autres. Merci beaucoup Maya Cross. Merci. Du groupe Nixie. On écoute un morceau du groupe de Seventeen avec le morceau éponyme Seventeen. To spray, but I'm praying. I wear a prayer until you are gone, and I'll burn to you with a piece of shit again. Yeah, she is the prettiest girl in the town. I bet you've already been sucked down. C'était le groupe 17 par le... Non, c'était le morceau 17 par le groupe The 17. Ils sont en concert mercredi 17 octobre en plein air, donc face à l'Université fédérale de Toulouse, sur les allées Jules Guesde pour la première édition du hors-série du printemps étudiant. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Loris Consolo et Damien Abtel, alors par exemple ce groupe de 17, vous les avez rencontrés comment? C'est des étudiants donc, qui font partie du talent étudiant. Voilà, c'est ça. Eux, c'était aussi par l'appel à projet qu'on les a connus. Quoi. Vous vouliez reparler de l'historique de la JT. Oui, oui, on pourrait en parler. C'est vrai que c'est assez intéressant, effectivement. La JT, c'est une asso qui a été créée en 2012. Pour reprendre le festival qui s'appelait avant le printemps des étudiants. Donc pour l'occasion, il a été changé en le printemps étudiant. Quel changement ! Voilà, un très gros changement. Mais ouais, c'était juste pour marquer le coup, mais garder effectivement l'essence du festival. La JT, il y a une autre signification que... La JT, alors moi, j'étais pas là quand le nom a été choisi, mais je ne sais pas du coup exactement... C'est assez féminin, hein. Oui, du coup, effectivement. Mais je sais pas, du coup, pourquoi l'agiter, ça, par contre. Ça vous va bien. Mais c'est, j'aime bien aussi. Je trouve ça sympa comme nom. Et donc, le festival, en fait, du coup, lui, il est plus vieux. Il a maintenant 21 ans. Donc là, c'est la 22e édition. Il a été créé en 97 à l'INP. Il s'appelait d'abord le printemps de l'INP, puis après, il a changé encore de main d'association. Puis non, là, depuis 2012. Voilà. Et votre implication, vous, alors vous en avez parlé en début d'émission, est-ce que c'est des choses que vous recherchez, enfin, par rapport au recrutement justement des bénévoles dont on parlait tout à l'heure, comment vous faites, qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir chez vous? On s'implique pas mal sur les facs, là. La semaine dernière, on a été sur Jean Jaurès pendant 2 jours, pendant les événements pour les étudiants, on a été sur l'UT3 aussi. Et samedi, on sera sur la place des étudiants qui a lieu samedi après-midi. De 13h à 19h. Exactement. Donc, nous aussi, on y sera. On a d'ailleurs un plateau radio. J'en profite de 16h à 18h avec Good Morning Toulouse. Oui, et c'est dans ces moments-là que vous recrutez C'est ça, ouais. Oui, on aura notre stand, puis voilà, on discute avec les gens. Puis après, c'est l'occasion aussi de faire connaissance avec d'autres associations étudiantes, parce que nous, on aime bien aussi, pendant nos festivals, c'est ça, pendant nos festivals, de réunir les assos pour faire des choses en commun. Et voilà, sinon après avec des flyers, avec des affiches et tout, puis avec la radio aussi. Alors vous pouvez rappeler donc les deux soirées, donc le 17 octobre mercredi, c'est sur les allées Jules Guesde, avec quel groupe? Alors le mercredi 17 octobre sur les allées Jules Guesde, nous aurons le collectif En Construction, le groupe The 17, le groupe Cordialement, le groupe Wistage et le groupe Aschenbeck. Et cette soirée est gratuite? Cette soirée est complètement gratuite, et en plus il y aura l'exposition au Quai des Savoirs sur le design. Voilà. En revanche, le 20 octobre, c'est payant pour le public et gratuit pour les étudiants? C'est ça, ouais. Nous, notre but, c'est toujours de faire le moins cher possible, voire gratuit pour les étudiants. Et après, là, vu que c'est dans une salle et que c'est des professionnels, on a un petit coût pour le public. Mais, Vous pouvez rappeler les groupes qui se présentent? Oui, donc ce sera Ed Solo et Dick Line. Ensuite, ce sera Tambour Battant. Et on finira donc par Nixie, qu'on a entendu tout à l'heure. Non, c'est l'inverse, c'est Nixie d'abord, après Tambour Battant et après Ed Solo Decline. Et du coup, là, c'est effectivement gratuit pour tous les étudiants. L'espace extérieur, en fait, à la salle du Cap, il y a un espace extérieur qui sera ouvert à tout le monde. Donc même les gens qui ne peuvent pas venir à la soirée pourront profiter de l'espace extérieur et des DJ extérieurs. Et après, il y a d'autres gens que les étudiants qui viennent? Oui, généralement, on a d'autres gens qui viennent. Ça dépend des événements. Quand c'est les événements concerts, généralement, on a soit moitié-moitié, soit un peu plus de non-étudiants. Et sinon, pour les événements qu'on fait directement sur les facultés, sur les journées, etc., généralement pendant le festival, c'est effectivement plus des étudiants qui sont là. Merci encore Loris Consolo et Damien Abtel. Alors je rappelle votre site, www.leprintempsetudiant.com, et puis vous êtes bien sûr présents sur les réseaux sociaux. On écoute un morceau du duo Tambour Battant. Ils sont en concert, on vient de le dire, samedi 20 octobre à la salle Le Cap, pour le cap de fin de ce premier hors-série du printemps étudiant. Le morceau s'appelle Dance Like A.O. Dance Like A. Un mélange explosif de musique électronique au sens large. Hey. On écoutait Dance Like Her par le duo Tambour-Bâton alors que Vincent nous a rejoint dans les studios pour sa chronique éducation. On ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Bonsoir Vincent, ça va ? Bonsoir Anna, ça va très bien. On t'écoute. On m'écoute ? Ouais, ah. T'as de la chance. J'ai plein de choses à dire et je ne trouvais pas mon sujet l'autre jour. Je me suis dit qu'est-ce que je vais leur raconter jeudi soir ? Et puis finalement, le sujet m'a été inspiré par une balade dans les rues de Toulouse. Je flânais du côté du quartier de la Bourse, que je sais que tu aimes beaucoup aussi. Et puis en arrivant au bord de la Garonne, j'ai croisé le regard de l'enfant au bonnet d'âne. Alors vous voyez peut-être, c'est cette sculpture qui est au bord de la Garonne, là, dans un des dégorgeoirs, de l'artiste toulousain James Colomina, et qui est installé là depuis super longtemps. Ça fait des mois et des mois, peut-être un an, et il est là depuis tellement longtemps que moi j'y fais presque plus attention. D'ailleurs, je passe et puis... Et puis là, ce jour-là, avec le temps maussade de début d'automne, il commence à faire froid, il commence à faire humide, et ben, j'ai eu un petit pincement au cœur quand même en le voyant encore là, tout seul dans son trou. Un peu ridicule, il faut le dire, avec son bonnet d'âne sur la tête, ne pouvant s'abriter ni du vent, ni du froid, ni du regard des passants et des touristes, qui en plus le mitraille de photos, et l'envoie ensuite sur les réseaux sociaux, où il n'a pas envie qu'on le voie avec un bonnet d'âne sur la tête, on le comprend, il a un peu la tête en enfer lui aussi. Alors pour me consoler, je me suis dit que bon, s'il était là, c'est qu'il avait probablement fait une bêtise, une grosse bêtise, et que quelqu'un, son professeur sans doute, l'avait puni en le condamnant à s'afficher là devant tout le monde avec un bonnet d'âne. Bon, les professeurs ont souvent des bonnes raisons de punir les enfants, mais là quand même on ne peut pas s'empêcher de penser que le traitement est un peu rude, surtout que j'ai vérifié dans mon petit code de l'éducation, mon gros code de l'éducation, le port du bonnet d'âne c'est interdit depuis longtemps déjà, comme toute autre punition, je cite, « vexatoire, dégradante ou humiliante ». Mais ça a été très longtemps utilisé, ça fait partie d'une catégorie de punition même, que le chercheur Éric Préra appelle, à la suite de Foucault, des punitions signes. Alors pourquoi signes ? Parce que c'est des punitions où on fait porter au coupable, on lui fait porter une marque, un signe, ostensiblement, devant tout le monde, qui rappelle, qui est le symbole de sa désobéissance. Donc ça peut être un bonnet d'âne, comme dans ce cas-là, mais le plus souvent, on essaye de faire en sorte que le signe soit en lien avec la faute commise. Alors, à une époque, dans les écoles, quand un élève disait un gros mot, on lui faisait porter une pancarte avec écrit « grossier ». Autour du cou, il devait porter ça toute la journée, c'est vraiment pas drôle, hein. Alors, vous voyez, le principe est très très simple, et à partir de là, on peut être très créatif, comme dans cet extrait d'un film que vous allez peut-être reconnaître. Alors, je vous donne le contexte d'abord. C'est un enfant qui rentre chez lui avec des habits tout sales et tout abîmés, et voilà comment réagissent ses parents. Cré bon Dieu de vin, Dieu de bon Dieu de cochon, comment tu t'es foutu dans un état pareil, dis ? Je dirais rien. Espèce de tête de mouche ! Dis-moi, tu m'arrêtes, dis ! On fait pas tant d'histoire, quoi. Je sais bien que je mérite une trempe, alors vas-y, puis ce sera marre. Et il le demande. Il le demande ! Ça, là ! Alors la chemise, les boutons, les boutonnières, et maintenant le tabouret, tu nous prends pour qui, hein ? Pour le roi de Chine ? Pour les Crésus ? Le petit salope de brisage, je vais faire prendre le coup du sel, je sais ! Non ! Ça va un peu mon famille ! Tiens-toi, Isaac, tiens-toi ! Il dit seulement qu'on enverra tout nu à l'école demain pour l'apprendre ! Tiens-toi ! C'est quand même pas énorme ! Quelle horreur! Anna, est-ce que tu as reconnu le film? Oui, tu m'as dit en plus, j'ai oublié, j'étais tellement concentrée sur le texte. C'est la guerre des boutons. La guerre des boutons. Voilà, qui est un film de 1962, mais ça se passe en 1912. Donc ça se passe vraiment au début du siècle. Et donc, vous avez entendu, il est en train de se faire passer à tabac par le père. Et puis la mère, elle a une contre-proposition assez originale. Demain, on l'enverra tout nu à l'école. Ça lui apprendra à revenir avec des habits abîmés. Donc c'est typiquement une punition signe. On lui fait porter le symbole de sa bêtise. Et puis au passage, on imagine bien que quand il va arriver tout nu à l'école, ça va encourager les autres. Eh ben, pas abîmer leurs propres affaires, parce qu'ils n'ont pas envie eux-mêmes d'arriver tout nus le lendemain. Ils l'ont fait dans le film, je ne me souviens pas. Non, il s'en sort. Mais il se fait passer à tabac, terriblement. Et justement, c'est ça la particularité de ces punitions-là, quand on les analyse, c'est qu'elles s'adressent pas que aux coupables, mais aussi à toute la communauté, à toute l'école, là, par exemple. Quand on fait porter un bonnet d'âne à un enfant, certes, on le ridiculise, on espère que ça lui coupera l'envie de recommencer, mais au passage, l'objectif, c'est aussi et surtout d'avertir les autres de ce qui leur arriverait si, à leur tour, ils faisaient la même bêtise. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une punition préventive ou dissuasive. Ce qui n'empêche pas d'être terriblement cruelle et méchante, on est bien d'accord. Je vous laisse imaginer l'humiliation d'arriver à l'école tout nu ou au travail. Là encore, on n'aimerait pas que ça nous arrive. Et pourtant, dans l'histoire de la punition scolaire, il y a eu pire. Il a existé toute une variété de châtiments corporels. Il y avait même une époque où dans les bons manuels de pédagogie, il y avait tout un chapitre de recommandations sur la manière d'administrer au mieux des, je cite, « fessées éducatives » ou encore une bonne gifle pédagogique. Donc il y avait tout un tour de main. Voilà, c'était un métier différent à l'époque. Même si l'instrument de prédilection, c'était quand même le fouet ou le martinet. Je vous passe les détails techniques. À tel point qu'au XVIe siècle, quand un nouvel enseignant prenait ses fonctions, son premier jour d'école, il se voyait souvent recevoir du directeur, de la directrice d'école, un fouet. Très officiellement, très solennellement, c'était son fouet personnel qu'il allait garder toute la carrière et qui était considéré comme un vrai outil pédagogique. Voilà, alors aujourd'hui, je vous rassure, tout ça c'est interdit, mais plus sérieusement, la sanction reste une question éducative très importante parce qu'elle cristallise la question de la responsabilité, de l'autorité. Donc le mot d'ordre actuel, c'est plutôt de mettre en place des sanctions éducatives, on dit, toujours en lien avec la faute commise et qui soient si possible justes, graduées, contextualisées, expliquées aux enfants. C'est toujours l'occasion de rappeler la règle, en fait. Et du coup, ça nous fait penser que ce pauvre enfant au bonnet d'âne qui est mis au piquet, là, depuis des mois, au beau milieu de la Garonne, il a clairement été victime d'une sanction un peu rétrograde, un peu abusive. Et en tout cas, quelle que soit la bêtise, depuis tous ces mois, moi, je crois qu'il a largement purgé sa peine. Et du coup, je lance un appel à l'artiste James Colomina, que je salue au passage. On va l'inviter, ça serait une bonne idée. S'il te plaît, James, laisse repartir ce pauvre enfant. Viens le chercher avec ton petit bateau. J'ai peur que de tristesse, d'ennui, d'humiliation, il ne finisse par se jeter dans la Garonne. Merci, Vincent. Merci. Voilà, il est déjà l'heure de se quitter. Encore un grand merci à nos invités qui sont restés dans les studios. Loris Consolo et Damien Abtel pour l'association L'Agité. Merci à vous. Merci. Sarah Lugassi et Tom Segovia du groupe Cordialement. Il y a encore des micros, des merci casques. Merci beaucoup. Et puis Maya Cross du trio Ningxi. Merci. Et puis on fait aussi un bisou à Fabrice Moll qui n'a pas pu être là avec nous ce soir. Effectivement, on lui fait plein de bisous. Merci Vincent pour ta chronique éducation et merci Thomas à la réalisation technique de l'émission. Samedi 13 octobre, alors on en a parlé, vous pouvez retrouver Campus FM avec Good Morning Toulouse pour un plateau en direct et en public de 16h à 18h. La manifestation, quant à elle, commence dès 13h. Vous pourrez trouver l'Agité et 30 autres associations et vous pouvez aussi participer à l'événement citoyen national plus qu'une marche pour le climat, rien à voir quoique hashtag il est encore temps. C'est à partir de 15h à la prairie des filtres. Chers auditeurs, il est 18h59. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission et de toutes les émissions sur le Mixcloud de Campus dans quelques instants. Il est là, Malcomic. Laissez-vous bercer par les sonorités gourmandes de New Soul Food. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.